faut qu'on s'en rappelle. Tout ce qu'on a fait, ça en valait la peine. On a toujours agi sans regarder après. Que la seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les problèmes et puis ce qu'on aime. On s'en rappelle, tout ce qu'on a fait, ça en valait la peine. On a toujours agi sans regarder après. Que la seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les projets et puis ce qu'on aime. J'ai des trucs en tête et j'ai rien oublié. J'suis pas méchant, moi méchant, j'les ai pas bousillés. On a fait des trucs crades, on va pas tout nier. Y'a de l'argent à faire, frère, il faut pas roupiller. Coupe si j'viens t'ennuyer, moi j'suis pas rancunier. Mais j'oublie pas les petites putes et les gros enculés. Si j'pue de la gueule, reculez. Ouais, moi j't'emmerde, j'oublie pas. Y'a des incous qui partent, c'est toujours le babou qui parle. En tout cas, dis-leur bien que j'oublie pas. Politique, on fait son lyrique à les chica. J'oublie pas les frères, les gars, faut pas qu'on s'écarte. J'oublie pas mon balcon à la HVZ74. C'est quoi? Ça se torsique, y'a trop de regrets. Mais j'oublie pas Syncope de rue et Cédric de près. Bref, j'oublie pas que j'ai de la chance et que je me mets bien. J'oublie pas ma chérie, cousin, j'oublierai rien. J'oublie pas les gousses qui partent. J'oublie pas les putes qui jactent. J'oublie pas les poteaux qui sont loin de moi. J'oublie pas hostile et bois. J'oublie pas les erreurs que j'ai faites. J'oublie pas les proches à moi qui sont têtes. J'oublie pas quand j'ai appelé l'ambulance. J'oublie pas, moi j'ai toujours tenu ma langue. J'oublie pas les soirées Halloween. Je n'oublie pas ce que m'a fait la weed. Je n'oublie pas à l'époque du skatepark. J'oublie pas pour ma madre et la son bois. J'oublie pas les trucs qui m'ont marqué. Une adolescence perturbée par le marqueur. Eh ouais, les faits sont marquants. J'oublie pas les pédos à la fenêtre de ma chambre. J'oublierai pas le 3 avril 97. J'oublierai pas ma famille pour un chèque. J'oublierai pas la smal à la NG. J'oublierai pas qu'une mère seule m'a élevé. J'oublierai pas nos moments de joie et nos prises de tête. Que ça fait 7 ans que je frise l'échec. Que tout a commencé avec la tease et le patch. Que j'ai tout perdu mais que j'ai mis et le reste. J'oublierai pas ma première cuite au parc. Mon premier spiff aux cartes, la lame de ce psychopathe. J'oublierai pas toutes ces embrouilles en famille. Ces grincements dents, ces cris qui te laissent au tapis. J'oublierai pas mes premiers sons, mes premiers sons. L'époque où mes textes n'étaient qu'un tissu de mensonges. L'époque où les grands voulaient me pulvériser. Toutes ces soirées galères avec mon poteau irisé. Faut qu'on s'en rappelle, tout ce qu'on a fait ça en valait la peine. On a toujours agi sans regarder après. Que la seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les problèmes et puis ce qu'on aime. Qu'on s'en rappelle, tout ce qu'on a fait, ça en valait la peine. Qu'on a toujours agi sans regarder après. Que la seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les projets et puis ce qu'on aime. J'oublie pas d'où je viens et qui j'étais. Ma première taf, ma première gorgée. La fois où j'ai écrit mon premier texte. Quand j'étais môme, j'étais si sage. J'oublie pas les premiers bleus sur mon visage. J'oublie pas ces skins dans le 4x4. Ce coup de frein à main et puis ce coup de stick dans l'arcade. Oublie pas, on n'est pas venu Roupi et moi. J'oublie pas que certains frérots m'ont oublié quoi. Oublie pas le parquet, la cellule 17. Ça va pas durer longtemps, c'est ce que le flic disait. J'oublie pas mes parents qui s'inquiètent tous les soirs. Et je les laisse croire que tant qu'il y a du flow, il y a de l'espoir. J'oublie pas Padre qui frappe maman. Et que même en dormant, cousin, le stress est permanent. J'oublie pas mon H.O.M, l'Hispano et Théma. Après ce 16, dites pas que j'ai pas de mémoire. J'oublie pas ma mère qui dit qu'avec mon père ils vont séparer. J'oublie pas tous les conseils, moi je les laissais parler. J'oublie pas quand tu t'es fait pointer. J'oublie pas la bonne beuh, cette époque elle est lointaine. J'oublie pas mes coups de pute, comme quand j'ai volé sa meuf. Je le regrette mais je peux comprendre ta leçon. J'oublie pas Toximini avec Camille, toutes nos miques à se demander comment est-ce que tu te vois vieillir. J'oublie pas les écoles, les internats. Oublie pas. Sur Pitfire à l'intégrale, ça c'est ma vie et ça je l'oublie pas. Comme mon argent part où il part, pour de la se boucher le qui part. J'oublie pas Paris-Percy et l'hôtel Belmont. J'oublie pas les flics, elle est sacre remplie de bebon. C'est un test de rime, on est chocrou. Les prises de risque, frère, c'est bien que les faux, on les choque tous. Tellement de choses j'oublie pas, quand la vie nous figera ou les soucis nous tirera. J'veux être ce fou qui gagne des sons qui font ce qu'il fait. J'oublie pas mes rêves d'enfant, quand j'ai me voyais pas Scolin avec d'autres frères dans le champ. C'est bien avant la smala, dédicace à tous qui savent la frénésie de notre jeunesse. Cette folie là j'oublie pas, on se croyait les rois des rues. J'oublie pas ces soirs perdus, c'était l'époque rien à foutre. Tu me cherches ton détroit d'Hercule. J'oublie pas, j'médite grave quand j'lâche ces syllabes. Tout ce qui part décrit ça, j'mal quand j'lâche ces rimes là. Sur ma vie j'oublie personne, une pensée aux frères 11. tellement cool qui déconne qu'on peut se coffrer dans le bon. J'oublie pas le quartier sud, c'est jusqu'à Cristobal. Et le rappel, j'écarte ses quiz, donc ta gueule crie nos places. Érudits en disent non ça, mais l'oubli en mille pros ça. L'oubli le mauvais qui je nie ça, je ressuscite, j'en vis l'homme sage. Faut qu'on s'en rappelle, ce qu'on a fait, ça en valait la peine. On a toujours agi sans regarder après. La seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les problèmes et puis ceux qu'on aime. On s'en rappelle, ce qu'on a fait, ça en valait la peine. On a toujours agi sans regarder après. La seule chose qu'on oublie, c'est ce qu'ils nous apprennent. On n'oublie pas les projets et puis ceux qu'on aime.